On va ouvrir le butin de sport local et régional en parlant de cette victoire tout à fait exceptionnelle des Saguenay de Chicoutimi hier contre les Huskies de Rouyn-Noranda dans le cadre du 7e match qui se déroulait hier à Rouyn-Noranda. Les Huskies menaient 3-1 avec en début de troisième période et une remontée des Saguenay, 2-1 de Olivier Galipeau tard en troisième période, a permis aux Sags de créer l'égalité, et Galipo qui a récidivé en prolongation pour éliminer la troupe de Gilles Bouchard. Il y a également Kelly Climat qui a marqué 2 dans cette rencontre pour les Saguenayens. Maintenant, ce sera en direction Saint-John pour la troupe de Yannick Jean. Ils vont affronter les Sea Dogs à compter de vendredi. On devrait parler d'ailleurs au cours des prochaines journées avec des gens du côté des Saguenayens de Chicoutimi. Le golfeur Pierre-Alexandre Bédard est maintenant de retour au Québec après un périple estival ou hivernal plutôt en Floride. Et Pierre-Alexandre Bédard nous explique où est-ce qu'il a travaillé au cours de la saison en Floride. J'ai pas vraiment joué beaucoup de tournois, en fait. Okay. De ce côté-là, c'est sûr que c'était pas le. Ça n'a pas été nécessairement le plan là, de cette histoire pour moi. Je voulais vraiment travailler plusieurs aspects de ma game. J'ai eu beaucoup de difficultés, en fait, l'été passé sur le putter. Ma longue game qui était vraiment très très solide l'année passée. Donc, je voulais travailler d'autres aspects. Changer un petit peu ma technique de chipping aussi, qui est maintenant beaucoup plus efficace. Puis, en fin d'année, en fait, avant de partir autour du fin mars, début avril, j'ai joué 2 tournois pour voir ma game était rendue un petit peu par rapport à ça. Puis, ça a quand même bien été. J'étais quand même content. En score, c'était pas ce que je voulais. Mais j'étais vraiment plus pour aller là pour tester des trucs, puis j'étais très satisfait. Parlons maintenant du côté de Catherine Saint-Gelais. Catherine Saint-Gelais qui a obtenu, elle et son équipe, un laissez-passer pour la compétition régionale de CrossFit qui aura lieu à Albany au mois de mai prochain. En entrevue sur les ondes de danadosport.com, Catherine Saint-Gelais nous a mentionné comment ça fonctionne, les qualifications. Okay. Tout le long de la qualification, ça s'est super bien passé, on était toujours dans le top 5. Okay. Sauf que l'affaire, c'est que dans notre équipe, il y avait des joueurs, dans le fond, qui étaient dans notre équipe qui se sont retirés parce que eux se sont classés, mais de façon individuelle. Donc, leurs points ne comptaient plus dans notre total d'équipe, en fait. Donc là, on a été sur la corde raide pendant, je dirais, les dernières 4 semaines à savoir si les points de nos 3 meilleures filles et de nos 3 meilleurs gars en enlevant ces 2 personnes-là allaient être suffisants pour être au-dessus de la ligne des 15 équipes. Finalement, on a terminé 12e au total. Donc oui, on a eu notre laissez-passer pour. Dans un deuxième temps, elle et son équipe vont participer et vont à cette compétition pour prendre de l'expérience. Je pense qu'on n'a peut-être pas la meilleure équipe là, cette année. Là, au départ, on partait un peu avec les joueurs qu'on avait pour le gym. Puis notre règle, en fait, c'est de donner notre 100% et de voir qu'est-ce que ça allait donner. On est super content d'avoir été en mesure de se qualifier. C'est sûr qu'on n'aspire pas à la prochaine étape là, qui est les CrossFit Games cette année. Là, notre équipe est pas. On est très conscient que notre équipe n'est pas assez forte pour ça. Mais on y va avec, dans le fond, dans le but d'acquérir de l'expérience. Il y a beaucoup de personnes, dont moi, là, dans l'équipe, qui vont participer à leur première compétition régionale. Donc, c'est juste une expérience à ajouter dans mon bagage CrossFit. Puis il y a des gens aussi qui sont avec nous qui ont fait déjà plusieurs participations aux régionaux. Donc, on y va pour. Pour les nouveaux, on y va pour apprendre. Pour les anciens, ils vont pour nous montrer l'exemple puis pour nous montrer comment bien nager puis comment bien performer dans un contexte de compétition comme ça. Là. C'est combien d'équipes? Comment vous êtes par équipe? Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec le golfeur Pierre-Alexandre Bédard et vous pouvez également écouter l'entrevue que j'ai réalisée aussi avec René Cadieux du site internet game-focus.com qui nous parle de ce qui a trait le nouveau jeu de baseball LMB de show de même que RBI Baseball. Le sport local et régional à danradiosport.com au sein de l'équipe.